Laerchi. Nenou ça, ce Christo rit. Ce Christo rit. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Dans ce game y'a trop de jalousie, j'prends du grade et les jaloux nient. J'débarque en soum soum comme un tsunami. J'ai tellement de flow qu'on m'appelle Luffy. L'hypocrisie me tue comme leur fille. Je file à toute allure, souvent on me dit fais gaffe la ville. Tiens sur un fil, j'réponds ok à tout à l'heure. Mais le malheur frappe quand tu t'y attends le moins. Mes moyens me donnent pas de quoi me mettre bien, mais bon j'tiens. Vas-y tiens-toi car le rap c'est un bateau et ça tank bang. Rafale de punchline, gang bang de rimes, j'suis un poète de ma génération. Rap et mélancolie, tu bois mes textes comme de l'agnol. Alcoolique, trop de faux gens avec lesquels je me sers pour couper la BR. J'avais grand besoin d'un bol d'air. France hardcore et le style, vol et jalousie. Voilà comment sont les gens. Hypocrisie, jalousie, des frères qui veulent te prendre ta cagnotte. Ce Christo rit, te braque ou te lance pas. Ce bâtard pourrait t'envoyer un mandat. Trop de vis, ce Christo rit. Hypocrisie, jalousie, des frères qui veulent te prendre ta cagnotte. Ce Christo rit, te braque ou te lance pas. Ce bâtard pourrait t'envoyer un mandat. Trop de ce vis, ce Christo rit. Trop de vis comme aux échecs, faut la mentale. Trop de fois en échec, j'te raconte pas. J'pourrais jouer trop de vol, mais dans la rue c'est chaud. Bellex, si tu prends une cagnotte, ça surprend. La vérité est stupide, avec stupeur t'apprends qu'avec ton frère t'as un plan. Par derrière il fait un surplan. J'peux faire plusieurs choses pour t'induire en erreur. Avec les bonhommes qu'une parole, tout en temps et en heure. Si j'serais sourdé et fin, j'serais des moments nerfs. Pas bédard, t'es fou, transforme, j'tends l'émission entière. Car j'serais allé en finale. La conce, la peuf, là-bas j'serais bicrave au final. Ici, laisse-moi te dire que c'est pas comme ça. La rue a déserte, ce Christo rit. Mais le rôle Benji est joué par l'avocat. Le prime time c'est avec les menottes au parc. Et prends j'ab t'atterris. Dépôt veut dire que l'aventure c'est fini. Hypocrisie, jalousie, des frères qui veulent te prendre ta cagnotte. Ce Christo rit, te braque ou te lance pas. Ce bâtard pourrait t'envoyer un mandat. Trop de vis, ce Christo rit. Hypocrisie, jalousie, des frères qui veulent te prendre ta cagnotte. Ce Christo rit, te braque ou te lance pas. Ce bâtard pourrait t'envoyer un mandat. Trop de vis, ce Christo rit. Deuxième couplet, j'arrive vénère, pépère. Je reviens dans ma ville et je me sens du père. Et pourquoi ça, ça? Car y'a trop de crevards, va. Je suis pas avare, mais eux, ils le sont. Faux. Quand ça parle d'argent, c'est le boxon. Ce Christo rit, ça trahit et je reprends du taf, taf. Mais des baf, baf, flic d'or, Rayerchi dans toutes les baf, baf. Entre nous, nous, pas de crevards, et même les gens le disent. Chez eux, c'est pas ce Christo rit. On a des sacs, Christo rit et dans Game Boy, je me sacré souverain. Attends, attends un peu. Main. Et là je m'arrête, pourquoi? Parce que l'hypocrisie nous tue. Le mal nous tente, c'est pas le public qui nous repêche. Et dans le but, gros de l'OPJ, que tu vois les replays. Écoute, on te voit dessus, les écoutes, c'est toi sûr. Écoute, on te voit dessus, les écoutes, c'est toi sûr. Les vrais anticipent à la dure. Les buts identifient et font des signatures. C'est de la peuf quand on t'acquitte. La peuf comme quand t'allumes un gros pull paki. On rap véridique, on va pas faire un buzz en mentant. Mandakaïs, nous, on fait le même en mangeant. Et même quand je dors, je pense à mon genre. J'en ai pas assez du que je serai demain ou à défaut plus tard. J'grandis sur mon dos plus tort, j'grandis sur mon dos plus tort. Et j'tors le shit tellement il est hard. Dans chaque chose j'y vois un mal tellement le bien il est rare. Dans chaque chose j'y vois un mal tellement que le bien il est rare. Hypocrisie, jalousie, des frères qui veulent te prendre ta cagnotte. Ce Christo rit, te braque ou te lance pas. Ce bâtard pourrait t'envoyer un mandat. Trop de vis, ce Christo rit. Hypocrisie, jalousie, des frères qui veulent te prendre ta cagnotte. Ce Christo rit, te braque ou te lance pas. Ce bâtard pourrait t'envoyer un mandat. Trop de vis, ce Christo rit.